بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إذا خرج من الإنسان ريح، هل يجب عليه أن يستنجي أم يتوضأ مباشرة؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه sur le fait de faire l'istinja. L'istinja, c'est se laver les parties intimes. Quand tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, tu dois te laver les parties pour enlever un najasa, la souillure. Hada ma'rouf. Lakin, si tu n'as pas fait tes besoins, lakin kharaja min karih, ou kadalik le fait de dormir, ou celui qui a mangé de la viande de chameau, ala qawlana, la viande de chameau, ça annule l'odo et c'est sahih. Fahada, est-ce qu'il doit faire forcément l'istinja? Vous avez compris la question? Et est-ce que tu dois faire l'istinja malgré que tu n'as pas d'impureté? Les Anel Bard, ils pensent que l'istinja, ça fait partie de l'odo. Bard Nas, pour eux, l'odo, comment tu fais l'istinja, même s'ils sont propres. Thomas, ils se lavent, ils sortent des toilettes. Thomas, ils se lavent trois fois les mains. Il a arrêté, ils font l'odo. قال الشيخ رحمه الله الجواب الريح لا توجب الاستنجاء الريح فيها الوضوء ويسمونه التمسح غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين فسأعضاء الوضوء. Donc الشيخ رحمه الله قال il n'y a pas besoin de faire l'istinja. Pourquoi? لأن l'istinja ça fait pas partie de l'wudu. L'wudu c'est ses membres qui sont cités في سورة المائدة. Laver ses mains, visage, ثم ses mains jusqu'aux avant-bras. أما في سورة المائدة ça commence par الوجه. C'est cité الوجه. الوجه les mains jusqu'aux avant-bras. ثم essuyer sa tête, ses oreilles et laver ses pieds. C'est ça l'wudu. Al-istinja c'est quelque chose d'à part. Al-istinja on le fait si on a une impureté. مثلاً quelqu'un qui a fait ses besoins. نعم. أما tu as l'wudu مثلاً. ثم tu as perdu l'wudu. Et tu es propre, tu n'as pas été aux toilettes. En fait, tu refais l'wudu, tu n'as pas besoin de l'istinja. قال هذا التمسح هو الوضوء المطلق اذا كان ريح او مس الفرج باليد او نوم ليس فيه استنجاء. مثلا quelqu'un qui a dormi. Si tu dors, tu as perdu l'wudu. Tu te réveilles, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Tu es propre. ففي هذا الحال tu fais l'wudu directement. Tu n'as pas besoin de l'istinja et laver tes parties intimes. قال الاستنجاء يكون من البول او الغائط. نعم, celui qui a fait ses besoins. L'urine ou الغائط. قال إذا كان خرج البول من الذكر أو الغائط من الدبر فهذا محل الاستنجاء. Si tu as uriné, tu te laves. Et si خرج منك الغائط, فهكذا tu enlèves cette impureté. ولله الحمد. قال أما إذا انتقض وضوءه بالريح أو بالنوم المستغرق أو المستغرق كان أو كل هذا ليس فيه استنجاء وإنما يتمسح يعني يتوضأ الوضوء الشرعي إلى آخره. Donc الحمد لله cette fatwa la référence fatwa Nour على الدرب. Donc contrairement à ce que certains ils pensent et ils font أنهم à chaque fois qu'ils veulent faire l'wudu ils commencent par l'istinja même s'ils sont propres. هذا لا لأن الاستنجاء c'est pour enlever une impureté, une souillure. Enfin, si tu es propre, tu n'as pas besoin de l'istinja, tu fais directement le wudu. Wa stafadna kadhalik anna le wudu, ça commence par l'obligation, ça commence par le visage, par la bouche, le nez, thumma le visage. Et la sunna, ça commence par se laver les mains. Wa lillahi alhamd, naktafi bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.